Bonjour Marie-Hélène, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Non, l'objet d'étude des archéologues ne porte pas que sur des objets morts, loin de là. Pour preuve, Carbone 14 tentera aujourd'hui de se pencher sur l'archéologie de la santé, l'anthropologie du soin. Peste, typhus ou choléra hier, Ebola aujourd'hui, comment les sociétés s'organisent-elles pour guérir quelquefois, soulager souvent? Rassemblés au Musée de l'Homme, sous l'égide d'Alain Froment du Muséum et d'Hervé Guy de l'INRAP, des chercheurs étaient réunis en colloque. J'y ai rencontré Sacha Kaki de l'Université de Bordeaux pour évoquer la peste noire, Alain Épelboin du CNRS, Sabrina Krief du Muséum. Sabrina Krief, se soigner est-il le propre de l'homme ? Alors, a priori, nous partageons avec les animaux la capacité de se soigner si on considère que se soigner peut être de l'automédication. Donc, le soin que se prodiguent les animaux est en général tourné vers l'individu lui-même. Et quels sont les moteurs de la découverte d'éventuelles plantes médicinales par exemple, les singes ? Alors, dans le cas des chimpanzés que j'étudie, en fait, l'origine du soin, a priori, est l'observation de congénères qui, eux-mêmes, utilisent des plantes qui ont des propriétés médicinales. Ça peut être des plantes, mais ça peut aussi être une autre substance naturelle, comme par exemple de la terre. Il y a aussi les leaders dans certaines communautés, entre chimpanzés ou gorilles, par exemple. Effectivement, donc l'observation est en général tournée vers un individu adulte, mature, entre 25 et 40 ans, qui représente une sorte de modèle que les chimpanzés vont observer plus fréquemment que d'autres et duquel ils vont tirer les informations pour choisir la bonne plante au bon moment. Il y a le soigné par force, mais est-ce qu'il y a le soignant ? Alors, le soigné, en fait, n'est pas le soigné par un congénère, c'est toujours de l'automédication et donc... Du coup, le soignant est aussi le soigné dans le cas des chimpanzés. C'est plutôt une proto-médecine qu'une médecine, puisque dans le cas des animaux, on observe généralement que une partie du soin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le diagnostic effectué sur le patient, mais il y a de l'auto-diagnostic et une auto-administration de substances à propriété qui améliore la santé ou qui prévient l'apparition de maladies. J'ai récemment parlé de petits capucins d'Amérique du Sud, du Brésil, tailleurs de silex entre guillemets, mais en tout cas qui léchaient le quartz. Vous y voyez-vous plutôt une pratique médicinale ? Étant donné que l'acte qui consiste à tailler et à casser la pierre ensuite ne résulte pas en l'utilisation d'un aliment, comme c'est le cas chez les capucins mais aussi chez les chimpanzés, et que là le premier geste du capucin est de lécher la poudre qui résulte de cet acte-là, il semble qu'effectivement ce soit la substance minérale en question qui est à l'origine de ce geste. Et ça peut rejoindre les pratiques de consommation de terre, donc de géophagie, qu'on observe chez de nombreuses espèces animal, que ce soit les éléphants, les perroquets ou encore les primates, qui vont chercher des substances minérales. Dans le cas des chimpanzés, ce que j'ai pu observer, c'est que cette terre est associée à de la consommation de plantes et que la terre va en fait augmenter la capacité et le pouvoir soignant de la plante à laquelle la terre est associée. Mais est-ce que c'est effectif ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça soigne vraiment ? Alors, a priori, on a reproduit l'observation en milieu naturel et on a montré que cette terre a des capacités d'adsorption. Donc, sur la terre qui est consommée par le chimpanzé, s'absorbent les molécules les moins utiles et celles qui sont actives restent dans le surnageant. Et donc, a priori, c'est ça qui possède l'activité biologique et qui est augmentée. La plante elle-même a déjà une forte activité contre le paludisme. Elle a aussi des propriétés connues comme étant analgésiques et il est possible qu'en ajoutant de la terre aux feuilles, le chimpanzé se fait une sorte de pansement digestif, de pansement intestinal, et en même temps améliore les capacités de soins des plantes qu'il consomme. Sabrina Krief, une dernière question. Quelle est l'attitude de ces singes face à la mort ? Alors, il y a des réactions variables. Ce que certains auteurs ont observé, c'est que les chimpanzés, dans le cas d'individus qui auparavant n'intéressaient pas le groupe, se retrouvent au centre d'attention, donc des épouillages qui auparavant n'étaient pas destinés à ces jeunes femelles chimpanzés, par exemple, de la communauté. Dans le cas des chimpanzés que j'étudie, j'ai pu observer que des individus mourants étaient visités par des chimpanzés adultes. Ce chimpanzé avait des abcès, donc les chimpanzés approchaient et testait la réaction du chimpanzé avec les abcès. Et en fait, cet individu a récupéré, donc il n'est pas mort. Mais de façon générale, il n'y a pas de rituel autour de la mort. Donc c'est aussi une des différences entre nos plus proches parents et nous, hein, c'est que la mort suscite une attention, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le chimpanzé se rend compte qu'il y a un état différent du corps vivant par rapport à celui inerte. Mais par contre, il n'y a pas un rituel qui est observé autour du cadavre. Mais le cadavre peut être porté des jours et des jours, quasiment en se transformant en momie sur le dos de l'autre singe. Alors ça, c'est le cas des femelles chimpanzés qui vont porter leurs jeunes, qui vont garder le corps pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'effectivement le corps soit momifié. Quand la femelle chimpanzée perd le corps du bébé ou lorsqu'elle ne peut pas le garder, on observe parfois des comportements étonnants, comme par exemple celui d'épouiller des feuilles, comportement qui ne s'observe pas dans des conditions habituelles. Sacha Kaki, il n'y a pas que les singes qui sont malades, il y a aussi l'homme, et quelquefois dans des conditions extrêmes, par exemple la peste. Quels furent les premiers pesteux de l'humanité ? Alors les premiers pesteux de l'humanité, on a des données assez récentes en fait qui sont venues modifier les paradigmes qui étaient acceptés jusqu'alors. On a eu une découverte et un article qui a été publié l'année dernière qui a démontré l'existence de la peste dès le troisième millénaire avant notre ère, puisqu'on a pu démontrer la présence de l'ADN de l'agent pathogène, Yersinia pestis, des fragments de son ADN en fait qui ont été retrouvés dans plusieurs sujets de l'âge du bronze. C'est cette époque durant le néolithique, on va dire entre le 8e et le 2e millénaire, néolithique âge du bronze, où les populations s'installent, se sédentarisent, commencent à vivre avec les animaux. C'est là où ça commence à devenir dangereux pour les maladies ? Alors la relation pour les animaux n'a probablement pas été directement en cause dans cette histoire, puisque l'équipe qui a fait cette découverte a pu montrer que la maladie, qui plus tard sera transmise à l'homme via des puces qui sont infectées par des rats, la maladie se transmettait à l'époque par d'autres voies, en l'occurrence la voie aérienne, donc pas directement en lien avec la proximité avec les animaux. Par contre, très probablement effectivement que les densités humaines, les regroupements de populations ont favorisé la diffusion des pathogènes entre êtres humains à cette période. La fixation dans des points, la sédentarité a dû donc être une vraie cause de maladie ? Oui, la sédentarité a effectivement été une vraie cause de maladie et ça a été en particulier le cas de façon très importante dans les pestes plus tardives, donc les pestes historiques. En Europe, nous avons eu combien de pestes ? D'après essentiellement les sources historiques, on aurait eu affaire à trois grandes étapes dans l'histoire de la peste. Une première pandémie, dite peste justinienne, qui se serait déclarée vers le 6e siècle et aurait perduré jusqu'au 8e, puis la maladie aurait disparu du continent pour réapparaître au milieu du 14e siècle, causant la célèbre peste noire qui a entraîné a priori le décès de la moitié de la population européenne de l'époque, cela à peine en l'espace de 5 ans. Et puis la maladie s'est installée en Europe, elle y a créé des épidémies successives jusqu'au 18e siècle, avant un nouveau déclin, et puis finalement c'est qu'au 19e siècle qu'il y a eu une dernière flambée épidémique, heureusement qu'on a pu cette fois réguler, juguler, grâce à des avancées médicales, notamment la découverte du bacille et la mise en évidence de son cycle épidémiologique. Il y a plein d'autres pandémie dont on ne saura jamais de quelle maladie il s'agit. Oui, alors il y a eu plein d'épidémies anciennes pour lesquelles on a des sources historiques qui indiquent qu'il s'agissait de peste, mais le terme peste en fait a été utilisé pendant très longtemps comme un générique pour désigner toute maladie infectieuse létale avec des grands taux de décès. Donc on peut imaginer qu'on a eu des épidémies liées à d'autres maladies pour lesquelles pour l'instant on n'a pas pu avoir de confirmation. Par exemple la peste qui est intervenue à Rome au tournant du 2e-3e siècle. Aujourd'hui on sait qu'en fait il ne s'agit pas de la peste et on envisage plus probablement au vu des symptômes qui sont décrits, qu'il pourrait s'agir d'une forme épidémique de variole. Celle qui vous intéresse, c'est bien sûr la peste noire, celle de 1347. En 1347, effectivement, date de l'entrée de la peste en Europe. Bon, faut bien penser que la peste, elle arrive d'Asie, donc elle a débuté beaucoup plus tôt, probablement dans les années 1330, quelque part en Asie, et puis elle s'est diffusée progressivement par les voies traditionnelles du commerce maritime. Et donc Marseille, le point d'entrée de la peste en Europe, et puis une diffusion absolument phénoménale en l'espace de 5 ans. Tous les territoires, ou presque, sont affectés, et je vous le disais, 20-25 millions de morts, donc à peu près un tiers, voire la moitié de la population européenne de l'époque. Ça doit surtout toucher le phénomène urbain, les gens en ville. Alors effectivement, la densité de population peut créer un problème. Après, il faut aussi envisager que la peste est une maladie qui se transmet dans sa forme primaire par les piqûres de puces, que c'est bien sûr la proximité des rats, qui sont les porteurs de la maladie, qui va avoir une influence. Donc on imagine aussi très bien qu'en contexte rural, où il y a des stockages de grains, on va voir aussi beaucoup ces commensaux qui vont être à proximité des habitations humaines, avec un risque aussi très important pour les habitants donc dans les milieux ruraux. On a des hypothèses qui sont relativement divergentes sur le fait de savoir si les individus étaient plus touchés en ville ou plus à la campagne. On a des registres qui auraient tendance à mettre en évidence souvent que les populations urbaines ont été très touchées, mais il semble que certains villages aient été aussi complètement décimé. Comment la population explique ce fléau ? Bon, voilà, il faut le remettre dans un contexte de l'époque qui est dominé par le monde chrétien. Donc pour la population, la première hypothèse, bien sûr, c'est que c'est la colère de Dieu qui s'abat sur la terre. Donc forcément, les gens, pour essayer de s'en prémunir, ils vont essayer de réaliser divers actes de contrition. Donc il va y avoir des processions qui sont organisées dans les villes touchées. Il va y avoir des pèlerinages qui sont beaucoup plus fréquents à partir de la moitié du XIIIe siècle. Et puis on peut aussi participer parfois à certaines congrégations qui assurent le soin des malades. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule hypothèse avancée. Ça, c'est plutôt l'hypothèse du peuple. Après, on a quand même une médecine savante qui existe au XIVe siècle. Et la médecine savante, elle va expliquer la maladie en l'attribuant à des miasmes, donc une corruption de l'air, en fait, qui va venir infecter les individus. Face à ces miasmes, on va essayer de se prémunir en essayant de chasser cet air vicié. Donc on va le chasser très souvent à l'aide de substances aromatiques, odoriférantes, qui vont permettre de créer une barrière protectrice autour de soi. Une dernière hypothèse, enfin, qui a été avancée par les populations, c'est que l'épidémie aurait été causée par des personnes extérieures aux communautés affectées, qui seraient venues empoisonner l'eau des puits, par exemple. Donc il y a plein de gens qui ont été désignés, donc ça peut être les étrangers, les gens de passage, mais aussi énormément les juifs qui ont été très souvent persécutés et qui ont été aussi dans bien des cas massacrés. Et on a de nombreux exemples historiques, ainsi qu'un exemple archéologique en Espagne. Où l'on a une sorte de pogrom avec une sépulture collective, un phénomène de masse. Oui, alors dans le cimetière juif de Tarrega, on a découvert plusieurs sépultures multiples du XIVe siècle, donc des sépultures qui contenaient un nombre variable de corps, allant entre 5 et une vingtaine, et des squelettes qui présentaient de très nombreuses traces de violences interpersonnelles, donc de coups qui ont été portés sur les individus et qui ont entraîné le décès. Donc on envisage dans ce cas, les auteurs de cette étude envisagent dans ce cas, que les décès sont intervenus au moment d'un pogrom en lien avec ce contexte de peste noire où les populations ont cherché des solutions pour essayer d'expliquer la maladie, ont souvent accusé donc les juifs qui vivaient à proximité des villages infectés. Il y a eu de fait beaucoup de fouilles de ces populations et des charniers de pesteux. On en a à Marseille, on en a aussi à Paris, on en a aussi à Londres par exemple, où on les retrouve régulièrement. Alors les fouilles, oui, il y en a eu un certain nombre. On estime actuellement, pour ne conserver que les cas les plus certains, qu'on aurait à peu près une cinquantaine de sites européens pour lesquels on a des sépultures en lien avec des épidémies de peste. Donc quelques-uns en lien avec la première pandémie, donc 6e, 8e siècle, mais la plus grande majorité en lien avec la deuxième pandémie, donc entre le 14e et le 18e, avec à peu près une quinzaine de sites pour la grande peste noire, et puis d'autres sites pour les périodes un peu plus tardives. Alors effectivement, ils se répartissent un petit peu partout en Europe, avec quand même une exception française, on peut dire, puisque c'est peut-être la France qui livre la moitié des sites, ceci très probablement grâce aux nombreux travaux d'archéologie préventive qui sont menés sur le territoire national et qui ont permis de nombreuses découvertes de telles sépultures. Est-ce que fouiller du pesteux, ce n'est pas éventuellement faire revenir la peste ? Alors déjà, je vais rassurer toutes les personnes qui envisageraient de faire de l'archéologie leur métier, ils ne risquent rien à venir fouiller des sépultures de pestiférés. En fait, la peste, elle est liée à un pathogène, à une bactérie qui est extrêmement fragile dans le milieu extérieur. Et en fait, la bactérie, elle va se décraser en général en quelques heures ou au maximum un ou deux jours dans le milieu extérieur. Donc bien sûr, quand on va fouiller des sépultures de pestiférés qui ont 6 siècles ou même des sépultures de pestiférés du 18e siècle, le risque est absolument nul. Par contre, certaines maladies sont toujours pathogènes. Je pense au charbon, on évoque parfois la variole ou autre. Alors oui, le charbon, effectivement, c'est un vrai problème, alors, qui ne touche pas que l'archéologie, puisque actuellement, il y a des épidémies de charbon au niveau de certaines espèces animales dans des lieux où il y a le dégel du permafrost et il y a le charbon qui est relâché avec des souches qui ont 200-300 ans qui viennent tuer des animaux. Donc effectivement, en contexte de fouilles archéologiques, il peut y avoir un risque. Donc quand on est dans des milieux sensibles, il faut se munir de certaines précautions pour éviter ces pathogènes. Comment vont faire les populations pour se prémunir ? Alors pour se prémunir, il y a eu des réactions assez diverses. La première, elle a été, on va dire, assez viscérale. Elle a été de prendre la fuite, de partir au plus loin de l'épidémie. Bon, bien sûr, ça n'a pas pu être fait par tout le monde. C'était beaucoup plus facile pour les personnes qui avaient des moyens financiers assez importants, puisqu'ils pouvaient suspendre leurs activités, partir à un autre lieu et recréer leur vie dans une zone non contaminée. En général, les gens d'extraction plus modeste ont eu plus de difficultés, quoique pour certaines épidémies vraiment terrifiantes, il y a eu des grands mouvements de population. Je pense en particulier à la peste de Londres des années 1660, où là, il y a eu vraiment des exodes de population qui ont été très importantes. Donc ça, bien sûr, c'est la première solution, une solution qui n'a pas pu être adoptée par tout le monde. Les autres solutions, elles ont été d'utiliser des traitements à but prophylactique, donc des traitements qui utilisaient des substances odoriférantes pour lutter contre les miasmes. On préconisait également de limiter les activités physiques intenses, puisqu'on envisageait que les miasmes pouvaient également pénétrer le corps par la peau, donc il ne fallait pas dilater les pores, donc on évitait par exemple les bains, les relations sexuelles étaient plutôt proscrites, et on évitait également de se nourrir de façon trop abondante et de consommer des boissons alcoolisées. Et puis, effectivement, les pratiques médicales prophylactiques traditionnelles, donc les célèbres saignées et les purges. Et puis, il y a aussi l'isolement des malades au travers du lazaret. Effectivement, qui n'a pas été mis en place tout de suite, pour autant. Au XIVe siècle, ça n'a pas existé. En fait, on conservait les malades, ils restaient chez eux, on les enfermait chez eux, et donc en général, ils contaminaient tous leurs proches qui étaient dans la maisonnée. Ça n'a donc pas très bien marché. Progressivement, on a mis en place effectivement ces lieux d'isolement, donc des lazarets pour les personnes qui étaient suspectées d'être infectées, qu'on allait mettre en quarantaine, le temps de vérifier qu'ils ne soient pas infectés, et puis pour les personnes qui étaient effectivement malades, des infirmeries de peste qu'on construisait à l'écart des lieux d'habitation, en général des baraquements de fortune, donc des baraquements en bois qu'on va brûler sitôt après l'épidémie. Et puis bien sûr, des charniers, comme le charnier de l'Observance à Marseille. Tout à fait, bon, parce qu'il faut comprendre qu'on a mis en place certaines mesures pour essayer de lutter contre la peste, mais que ça n'a pas eu une efficacité redoutable. Donc il y a eu de très grandes quantités de personnes qui ont été contaminées et de très grandes quantités de personnes qui sont décédées. Donc ça a généré un vrai problème de santé publique, avec des corps très nombreux qu'il a fallu enterrer au plus vite pour éviter que ces corps se décomposent, s'entassent dans les rues. Donc on a dû modifier les pratiques funéraires, ceci de façon variable selon les époques. La constante pour toutes les époques, c'est qu'on a créé des fosses, on pourrait dire communes en fait, donc des sépultures multiples, donc des grandes fosses où on a mis au même endroit plusieurs cadavres, donc ça peut aller de 2 à 3 cadavres quand les vagues de mortalité n'étaient pas très importantes, ou parfois plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de corps qui pouvaient être mis dans une même fosse avant qu'elle soit remblayée. La grande rupture, c'est bien sûr l'apparition des vaccins. On pourrait dire que de la préhistoire au 19e, on a un temps, et puis du 19e aujourd'hui, un autre temps. Alors la grande rupture, c'est surtout l'invention des antibiothérapies, plus que des vaccins. Parce que pour la peste, en fait, les vaccins, ils ont été mis en place à partir du début du XXe siècle. On a créé des vaccins antipesteux. Le problème, c'est qu'ils ont eu une efficacité toute limitée, avec surtout une efficacité dans le temps qui était très faible. Donc il fallait se refaire vacciner tous les 2 ans, 3 ans, parce que le vaccin ne fonctionnait plus. Donc c'est surtout l'utilisation des antibiotiques qui a permis de lutter très efficacement contre cette bactérie, en fait. Et aujourd'hui, c'est une maladie qui se traite relativement bien. Tout du moins dans les pays qui disposent de médications adaptées, de systèmes de santé vraiment adaptés pour lutter contre cette maladie. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Alain Appelboin, soigner fut et est encore extraire, tailler, gratter, couper, arracher. Ça dépend dans quel système on se place. Si on se passe dans la médecine officielle, on va pouvoir y trouver énormément de choses, notamment dans tout ce qui est la chirurgie esthétique et son développement et le refaçonnage des corps. Si on se place dans les autres systèmes, ça reste des bases. Dans de très nombreux systèmes, on fait une petite effraction cutanée, que ce soit par brûlure dans une moxa, que ce soit par une scarification au rasoir en Afrique centrale, on y applique des produits qui sont censés y pénétrer. Et puis, si j'ai pas mémorisé tous les mots que vous avez dit, mais on les reprendrait un par un, on y trouverait des équivalents dans chacun des systèmes que je viens de citer, y compris le système biomédical. Et puis, si on remonte un petit peu dans le système biomédical ancien, des pratiques scientifiques, entre guillemets, un petit peu anciens, on va les retrouver chez certains praticiens dans certains pays ou récupérer dans des savoirs de guérisseurs contemporains. En tout cas, c'est toujours une sorte d'extraction, on arrache. Pour moi, l'idée, c'est de beaucoup plus penser ce qu'on appelle, dans un langage un peu compliqué, l'extraction matérielle et symbolique du mal. C'est-à-dire, on retrouve dans tous les systèmes, depuis les trépanations préhistoriques, jusqu'à certaines chirurgies soustractives inutiles, comme on peut le penser sur une systématisation des amygdalectomies ou des appendicectomies à une certaine époque, où on voyait bien qu'il y avait un taux énorme d'amygdales ou d'appendices qui n'avaient pas de raison d'être enlevés, qui étaient parfaitement sains, mais où par contre cette extraction générée dans la vie de la personne, dans son ressenti personnel et peut-être le ressenti social, pas forcément du point de vue médical, un avant et un après, et en tout cas un bien-être acquis après qu'on vous ait enlevé quelque chose, qu'on vous l'ait enlevé chirurgicalement, physiquement, comme on vient de le dire, ou qu'on vous l'ait enlevé par illusionnisme, avec les systèmes qu'on retrouve, les guérisseurs philippins, des chamans, des guérisseurs des Nganga d'Afrique centrale, qui vont vous extraire du corps des objets insolites pour soulager des maux de tête, des maux de ventre, des maux d'oreille, des grossesses, etc. Votre conférence était de la trépanation, donc bien sûr préhistorique, qui émerge vers le 5e millénaire avant notre ère, jusqu'à la pompe à venin, la fameuse pompe contre les méchants serpents. Parce que, justement, ce concept d'extraction matérielle et symbolique du mal, pour faire intellectuellement et me changer moi-même le passage de la médecine à l'ethnologie, j'ai fait ma thèse de médecine sur l'efficacité de la pierre noire, pierre à serpent, la pierre des pères blancs, pour découvrir que cette matière qui à l'époque était inconnue, c'était un carbo-ossium, c'était un char de l'os dense, dur, aversien de bœuf qui a été carbonisé, qu'au moment où le cardinal Lavigerie, grand défenseur des esclavagistes, archevêque d'Alger vers 1870, crée son ordre des Pères Blancs, à l'époque, dans la pharmacopée scientifique de l'époque, le charbon de noir animal ou végétal était une des panacées universelles, et que le secret de la pierre noire, c'est une technique de refroidissement qui fait que l'os n'éclate pas, et qui ensuite, comme toutes les substances du même type, possède des pouvoirs d'absorption superficielle qui renvoient à une éthologie d'abord des comportements humains. On a quelque chose, une fraction cutanée, on aspire, là, qui est une espèce de relais, renforcé par une logique symbolique que non seulement la pierre colle toute seule, qui n'est pas une pierre, mais qu'ensuite elle tombe spontanément, que quand elle tombe spontanément, on la purifie dans du lait blanc, et qu'une fois qu'on l'a purifiée dans du lait blanc, on la met dans l'eau tiède où elle dégaze. Donc toute une espèce de magie symbolique qui se met en place et qui fait que quelque part, on touche là des ressorts de la psyché humaine, de la psyché individuelle et sociale, qui possède une efficacité propre, ça ne veut pas dire que ça guérit du cancer, etc., mais qui est un adjuvant, comme on dit, psychosomatique, même si le terme est insuffisant, qui peut être extrêmement puissant dans la relation d'emprise entre le guérisseur et le soigné, ce qu'on va appeler aussi des processus de transfert contre transfert, sauf que c'est pas un transfert tous les 6 mois, c'est comme dans les films de science-fiction, instantanément, une foultitude de transferts et contre-transferts se mettent en place, et qui explique aussi l'efficacité aussi prodigieuse que peuvent avoir des consultations de guérisseurs, de prêtres ou autres. Justement, en Afrique, vous avez assisté à des pratiques tout à fait étonnantes d'extraction illusionniste. Oui, donc au départ, je me retrouve avec la pierre noire, et puis ensuite, le guérisseur qui connaît une technique d'illusionnisme, est-il dupe ou n'est-il pas dupe? Ou bien la question qui va se poser aussi, le guérisseur qui est en transe et qui se met en transe en quelques instants, est-il en transe ou ne l'est-il pas? Et où l'anthropologue répond, c'est une question qui ne pose pas de pertinence. Il y a une efficience qui se met en place, ok, c'est une technique, la personne en transe à certains moments est dans un état de conscience modifié, profond, où effectivement elle n'a plus connaissance de l'environnement, dans d'autres temps, tel un excellent acteur de théâtre, elle vit son personnage, et en tout cas, les guérisseurs avec qui j'ai fonctionné par rapport à ces notions de secret, et notamment Monde de Voix qu'on voit dans un de mes films, enfin qui est un acteur que j'ai suivi très, très régulièrement, il y avait une complicité entre nous, où il savait que je savais, Et puis on n'en parlait plus. Et il extrait du corps de ses patients différents objets. Il a aussi une technique, comme il dit, d'enveloppement de main pour plonger les mains dans le feu. Mais c'est des, entre guillemets, des secrets dont on ne parle pas. De la même façon, dans l'extraction matérielle et symbolique du mal, ce qui fonctionne très bien en Afrique, moi je vous parle d'Afrique parce que je connais l'Afrique de l'Ouest, hein, c'est des guérisseurs qui vont, quand vous avez des maux de tête, des maux de dents, des maux d'oreille, par différentes techniques, extraire de votre corps une espèce d'objet insolite. Alors parfois c'était juste un verre de viande, de mouche à viande pourrie, donc tout le monde reconnaît. Parfois il semblerait que ce soit des larves d'insectes qui parasitent spécifiquement la famille des ficus, des figuiers locaux. Et puis il y a un secret qui consiste à laver le corps de la partie souffrante et de faire apparaître des graines de basilic qui ont comme particularité qu'à l'état sec, elles sont entourées de poils hydrophiles qui se redressent et font une espèce de gangue comme une espèce de boule de gui, un objet insolite qui survient et que ça suscite une efficacité. Mais là, on a aussi tous les systèmes où on fait une petite scarification, on suce soit avec la bouche, soit avec une ventouse, soit avec une corne, et ensuite dans le produit, on recrache, et il y a une pierre, il y a l'objet qu'on a enlevé du corps. Donc il y a une foultitude de pratiques d'illusionnisme touchant l'extraction matérielle et symbolique du mal, et appuyant en fait, une fois de plus, c'est une formule commune chez les ethnopsies, que le façonnage culturel du corps aboutit à créer des interrupteurs, des points d'appui de levier, et on sait que à partir du moment où on a un point d'appui de levier, même avec un crayon, on peut soulever le monde. Est-ce guérir ou soulager ? Les deux, mon général. Quand on guérit pas, on soulage. Ça dépend tellement. C'est pas la même chose d'être un guérisseur miraculeux de fractures, alors qu'en fait, c'est pas forcément les fractures qui constituent le gros de la clientèle, mais des luxations d'épaule ou des arrachements ligamentaires, que d'être guérisseur de quelqu'un qui est atteint d'un plasmodium falciparum, d'un paludisme pernicieux. On n'est pas dans les mêmes registres. Nous avons eu la peste, des épidémies de syphilis, aujourd'hui c'est Ebola. Ebola géré comme la peste de 1347, la fameuse peste noire. Bah écoutez, tout à l'heure on a eu une conférence, un des collègues, Sacha, là, très très intéressant, qui suivait l'évolution des rites funéraires des personnes mortes pendant les épidémies de peste aux différentes périodes, en notant des différences entre certaines épidémies où les corps étaient rangés soigneusement et les autres étaient jetés dans des fosses comme des animaux. Et en fait, c'est une des problématiques qu'on a avec Ebola, c'est-à-dire qu'avant que l'OMS initie l'humanisation des enterrements sécurisés et du traitement des morts d'Ebola, les corps étaient très maltraités, où on les laissait tomber dans la fosse, tomber n'importe comment, alors que chaque société a ses prescriptions sur la façon de se tourner, d'être posé, etc. Voire même, dans des images malheureusement encore récentes, plusieurs personnes qui sont enterrées dans la même tombe, ce qui n'est absolument pas pensable dans ce système de pensée, voire jetées en vrac au bulldozer. Et donc, j'ai été frappé comment cette étude de la peste et de ses évolutions, mais également de l'évolution des représentations de la contamination, de l'évolution du statut du pesteux qui est victime ou qui est au contraire responsable de la maladie, combien il y avait des constantes dans les réactions de psychologie individuelle, de psychologie sociale, avec bien évidemment des variantes très importantes selon les cultures, les moyens économiques et écologiques disponibles. J'ai été frappé aussi comment dans les fouilles archéologiques, des lazarets, des lieux de quarantaine, comment on y retrouve finalement une des logiques qui, fondamentale de la réponse aux épidémies d'Ebola, qui est la construction de centres de traitement spécialisés où effectivement on enferme le malade pour casser les chaînes épidémiologiques, éviter la diffusion de la maladie, et où justement à l'heure actuelle toute une réflexion se fait chez les différents intervenants, qu'ils viennent d'MSF, de la Croix-Rouge, de l'OMS, pour prendre conscience de la nécessité, même si nous n'avons pas encore de traitement efficace ni de vaccin efficace, d'améliorer la qualité des soins dans ces structures de santé, qu'elles ne soient pas des lieux qui servent à préserver la société, mais qui soient des lieux qui servent à soigner la maladie. Et dans les épidémies de peste, on ne soignait pas la maladie, même si inciser un bubon, c'était mieux que de ne pas l'inciser. Sinon, on ne le soignait pas. Et il faut quand même bien se rappeler que la médecine et les médecines traditionnelles s'attribuent une guérison qui est liée finalement à une évolution spontanément résolutive, peut-être plus longue que s'il y avait les médicaments efficaces, mais une résolution spontanément évolutive d'une maladie, qu'elle soit infectieuse ou autre. « Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Alexandre Billard, avec la contribution d'Anne-Catherine Lechard. Notre partenaire, la revue Archéologia, se penche ce mois-ci sur Lascaux, à l'occasion de l'ouverture de Lascaux 4, tandis que la semaine prochaine, sur France Culture, Perrine Kervran et la série documentaire se consacrent au monde cavernicole de la préhistoire, à suivre donc pour découvrir Fond de Gaume, les Combarelles et bien d'autres grottes. La semaine prochaine, Carbone 14 se penchera sur la conquête de la mer et la science de la navigation hauturière.